بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue inshallah ta'ala cette série de cours spécifiques aux femmes, aux règles liées aux menstrues, aux métrorragies ainsi que aux loshis. Avant de commencer le cours, donc concernant les questions qui ont été posées au cours dernier, au cours précédent, bi'iznillah, je vais permettre à ceux qui veulent participer de les envoyer, bi'iznillah, durant cette semaine, tout simplement parce que j'ai eu un problème avec mon dictaphone. Donc le cours de la semaine dernière sera en ligne, inshallahu ta'ala, demain. La semaine dernière, le cours de la semaine dernière et le cours d'aujourd'hui, les deux seront en ligne, bi'iznillahi ta'ala, dès demain, inshallah. Et donc, du coup, ce soir, enfin, aujourd'hui, inshallah, on va rajouter deux questions aux questions de la semaine dernière. Et donc, l'auteur, le Cheikh Al-Fawzan, rahimahullah, il dit, mais يلزم الحائض عند نهاية حيضها. Et donc ce qui implique obligatoirement à la femme menstruée à la fin de ses menstrues. يلزم الحائض عند نهاية حيضها أن تغتسل وذلك بأن تستعمل الماء بنية الطهارة في جميع بدنها. Et donc il est impératif que la femme qui a ses menstrues, à la fin de ses menstrues, elle fasse sa douche rituelle. Et ceci en utilisant de l'eau avec intention de se purifier et en appliquant l'eau sur tout son corps. En appliquant l'eau sur tout son corps. Liqalihi sallallahu alayhi wa sallam, fa idha aqbalat haydatuk fada'i as-salah wa idha adbarat faghtasili wa salli, rawahu al-Bukhari. Ceci en se basant sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc lorsque tes menstrues arrivent, alors ne prie pas, arrête la prière pendant ta période de menstrues. Et lorsque ta période de menstrues se termine, alors lave-toi, donc ici la douche rituelle, et prie. Rapporté par Al-Bukhari, rapporté par Al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala. Et donc ici, on comprend un point important de la parole du Cheikh, rahimahullah, hafidahullah, concernant le ghusl. C'est qu'il est impératif que celui-ci se fasse avec de l'eau. Impératif que celui-ci se fasse avec de l'eau. Peu importe, barakallahu fikum, que l'eau, la couleur de l'eau ait un peu changé à cause d'un élément qui soit pur, comme une eau de rivière par exemple, une eau de rivière qui va être utilisée pour le roust parce qu'il y a une coupure d'eau là où vous êtes, etc. Et donc il y a eu beaucoup de pluie et donc l'eau de la rivière elle a un peu changé parce qu'elle s'est mélangée à des arbres ou des plantes. Cette eau reste toujours de l'eau. Tant que c'est toujours de l'eau, même si la couleur elle a un peu changé, eh bien on peut faire le roust avec celle-ci, avec cette eau-là. Ensuite, point important que le chef il dit, c'est qu'il est impératif d'avoir enniya, l'intention. C'est-à-dire, une femme a fini ses menstrues. Lorsqu'elle finit ses menstrues, elle prend une douche parce qu'il fait chaud. Il fait chaud, mais elle n'avait pas l'intention de se purifier. Elle n'avait pas encore l'intention de faire son roussel. Ensuite, elle se dit, bon, ah tiens, c'est l'heure de la prière, et donc il faut quand même que je prie. Allez, maintenant je fais juste mes ablutions puisque de toute façon tout à l'heure j'ai pris ma douche. On va lui dire non, parce que lorsque tu as pris ta douche précédemment, tu n'avais pas l'intention de te purifier d'un état d'impureté majeure. Tu avais peut-être l'intention de te rafraîchir, ou alors tu avais l'intention de te purifier, c'est-à-dire enlever les souillures qu'il y avait sur toi ou autre. Mais ce n'était pas une purification rituelle. Et donc ça, c'est important. C'est très important. Et aussi, il faut que l'eau passe sur tout le corps. Il faut aussi que l'eau passe sur tout le corps. Le cheikh qui nous dit après cela, « Wasifatuhu », la description de cette douche rituelle. « An tanwiya raf'a al-hadasi awit-tahara lis-salati wa nahwiha thumma takul bismillahi thumma tufidu al-ma'a ala jami'i jismiha wa turwi usula sha'ri ra'siha wa la yalzamuha naqdhuhu in kana madfuran wa innama turwihi bil-ma'. » Et donc la description du ghusl, cette douche que la femme va faire, c'est que, comme on a dit précédemment, elle va avoir l'intention d'enlever l'état d'impureté. Ça, c'est donc l'intention, c'est l'intention d'enlever l'état d'impureté qu'elle avait. Ou alors, il dit le shir, l'intention de la purification pour la salat. Ou autre intention de ce genre. Ou autre intention de ce genre. Et ensuite, la personne, elle dit « Bismillah ». Elle dit « Bismillah ». Et donc, ce qui va être voulu ici, lorsqu'on dit « Bismillah », qu'est-ce qui est voulu lorsqu'on dit « Bismillah » Justement, c'est cet acte va être lié à l'action qu'on est en train de faire. C'est-à-dire « Bismillahi artasil ». Et donc, au nom d'Allah, par le nom d'Allah, je fais ma douche. Voilà ce qui est voulu lorsqu'on dit « Bismillah » au début du rousl. Lorsqu'on dit Bismillah au début du repas, Bismillah au nom d'Allah, par le nom d'Allah je mange, etc. Donc, la personne dit Bismillah et ensuite, après cela, elle va déverser l'eau sur tout son corps. Elle va déverser de l'eau sur tout son corps. Question, si la personne a oublié de dire Bismillah. Elle n'a pas dit Bismillah, est-ce que son roussel est valable? Oui, son roussel est valable. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une condition. La vie le plus juste, barakallahu fikoum, c'est que ce n'est pas une condition. Les compagnons qui nous ont rapporté le roussel et les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous ont pas cité la besmela. Ne nous ont pas cité la besmela, donc ce n'est pas une obligation. La fois où la besmela a été citée, c'est dans le hadith, barakallahu fikoum, la salata, la wudu ali man lam yadhkur isma Allahi alayhi, wa la salata liman l'imène la wudu ala. Et donc il n'y a pas d'ablution pour celui qui n'a pas cité le nom d'Allah sur celle-ci et pas donc de prière, c'est-à-dire la prière n'est pas valable pour celui qui n'a pas ces ablutions. Et donc ça c'est le hadith qui a été rapporté, sauf que les savants ils ont divergé premièrement concernant l'authenticité de ce hadith. Premièrement, les savants ont divergé concernant l'authenticité de ce hadith. Et deuxièmement, deuxième point concernant ce hadith, c'est qu'ils nous disent si le hadith est authentique, alors ce qui est voulu ici, c'est il n'y a pas d'ablution complète. Il n'y a pas d'ablution donc complète ou parfaite. Donc l'ablution va être valable. Sauf que ça va être plus complet ou plus parfait lorsque la personne va prononcer la besmela au début des ablutions. Donc si une personne oublie de citer la besmela au début du roussel, elle n'a pas besoin de recommencer le roussel pour que son roussel soit valable. Et donc le cheikh il nous dit, la personne elle dit bismillah, et ensuite elle déverse l'eau sur tout son corps, et elle fait parvenir l'eau aux racines des cheveux de sa tête, et ensuite, donc aux racines des cheveux, puisqu'on va utiliser le terme char en arabe, que ça soit pour les cheveux ou les poils, du bras ou autre. Et donc, là ici, le cheikh, il nous précise cela, afin qu'on ne fasse pas de confusion. Mais dans la langue française, on va directement dire les racines des cheveux. Pas besoin de rajouter les cheveux de la tête. Donc, la femme fait parvenir l'eau aux racines de ses cheveux, et il ne lui est pas obligatoire de défaire ses nattes si ses cheveux sont nattés. Mais ce qu'elle doit faire, c'est faire parvenir l'eau, justement, aux racines des cheveux. Voilà ce qu'elle doit faire. Mais elle ne lui incombe pas de défaire les nattes. « Wa in ista'malat istidra aw il mawad al munaddifa ma al ma'i fa hasanun. » Et si la femme, elle va utiliser du cidre, donc du parfum, ainsi que des produits nettoyants, avec de l'eau, alors cela est correct, cela est bien. cela est bien. Wa yustahabbu akhdhu qutnatin fiha miskun aw ghayruhu min tibin taj'aluhu fi farjiha. Et certes, il est recommandé que la femme, elle prenne un coton sur lequel il y a du musc ou alors autre parfum, et qu'elle va mettre justement au niveau de ses parties intimes. Bardel irtisel. Et donc ceci c'est après le rousl. Inch'Allah ta'ala. Li amrihi asma abidalik. Rawahu muslim. Et ceci donc parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Asma de le faire. Il a donc ordonné à Asma de le faire. Et donc comme cela a été rapporté dans le sahih de l'imam muslim. Il continue l'auteur, donc il nous dit tanbihun muhim. Et donc il nous fait un tanbih, il attire notre attention sur un point important. Iza tahuratil ha'idu awin nufasa qabl ghurubi shamsi lazimaha an tusalli adh-dhuhra wal 'asra min hadha al-yawm. Il nous dit si la femme menstruée ou la femme qui a ses loshi se purifie avant le coucher du soleil, elle est purifiée de ses menstrues avant le coucher du soleil, alors là, il lui est obligatoire de prier al-dhuhr ainsi que al-asr de ce même jour. Al-dhuhr ainsi que al-asr de ce même jour. Waman taharat. Awaman taharat minhuma qabla tulu' al-fajr lazimaha an tusalli al-maghrib wal-isha' min hadhihi al-laylah li'anna waqt as-salati ath-thaniyati waqtun lis-salati al-ula fi hal al-'udhri. Et donc il nous dit, le cheikh, et la femme qui est purifiée de ses menstrues avant l'apparition de l'aube, durant la nuit, alors cette femme-là, il lui incombe de prier le maghrib et le isha de ce même jour, de cette même nuit. Pourquoi ? Donc en ce qu'on a demandé à cette femme de prier el-asar ainsi que el-zohor, lorsqu'elle s'est purifiée avant le maghrib, ou alors on lui a demandé de prier el-maghrib et el-isha lorsqu'elle s'est purifiée avant le fajr, tout simplement car le temps de la deuxième prière est le même temps que la première prière lorsqu'il y a une excuse. Lorsqu'il y a une excuse comme le voyage ou autre, la personne, il lui est donc permis de réunir deux prières. Et donc ici, cette femme, elle était excusée par rapport à ses menstrues. Et donc, certains savants, la majorité même, ils voient que cette femme va réunir entre deux prières lorsqu'elle se purifie de ses menstrues. Ensuite, l'auteur, il nous cite une parole de Cheikh al-Islam. Il nous dit « Qala Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah fil fatawa. Wa li hadha kana jumhurul ulama ka Malik wa Shafi'i wa Ahmad. إذا طهرت الحائض في آخر النهار صلت الظهر والعصر جميعا وإذا طهرت في آخر الليل صلت المغرب والعشاء جميعا كما نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم لأن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر. فإذا طهرت في آخر النهار فوقت الظهر باق فتصليها قبل العصر وإذا طهرت في آخر الليل فوقت المغرب باق في حال العذر فتصليها قبل العشاء انتهى. Et donc il dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et c'est pour cela que la majorité des savants tels que Malik, Al-Shafi'i et Ahmed, il voit que la femme menstruée, quand elle se purifie en fin de journée, alors là, elle va prier le Dhuhr et le Asar ensemble. Et lorsqu'elle se purifie en fin de nuit, elle va accomplir la prière du Maghreb et du Isha ensemble. Comme cela a été rapporté de Abdurrahman ibn Auf, ainsi que Abu Huraira et Ibn Abbas radiallahu anhum. Et aussi, car le temps est associé, le temps des deux prières est associé lorsqu'il y a une excuse. Et donc, si cette femme se purifie en fin de journée, alors le temps du Dhuhr continue. Parce qu'ici, il y avait une excuse, donc le temps du Dhuhr est encore là. Alors elle va prier le Dhuhr avant de prier l'Asar. Et lorsque cette femme se purifie en fin de nuit, le temps du Maghreb continue. Le temps du Maghreb est toujours là. Pourquoi ? Parce qu'il y a une excuse ici. Et donc, elle va accomplir la prière du Maghreb avant d'accomplir la prière du Isha. Fin de citation. Et donc là, le Cheikh Al-Fawzan, il dit après cela, وَأَمَّا إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا وَقْتُ صَلَاتٍ ثُمَّ حَاضَتْ أَوْ نَفُسَتْ قَبْلَ أَن تُصَلِّيَ فَالْقَوْلُ الرَّاجِحُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ التي أدركت أول وقتها ثم حاضت أو نفست قبل أن تصليها. Et donc ici on va dans l'autre sens. Maintenant dans l'autre sens, le cheikh qui nous dit par contre, si le temps d'une prière a commencé, puis que cette femme a eu ses menstrues ou ses lochies avant de prier. Comme ici par exemple, à l'heure où je vous parle, eh bien, en Martinique, le Asar est entré il y a à peu près une heure, si je ne me trompe pas, à peu près. Un peu plus peut-être. Et donc, oui, bien plus, une heure et demie. Et donc, ici, il se peut qu'une personne ait tardé. Et qu'ensuite, elle ait ses menstrues qui arrivent. La femme, elle a tardé à prier. Et ensuite, elle a ses menstrues qui arrivent. Alors là, le cheikh, il nous dit que la vie le plus juste est qu'il ne lui incombe pas, de rattraper cette prière lorsqu'elle se sera purifiée de ses menstrues ou de ses lochies. Et donc dans l'autre sens, cette règle ne s'applique pas. Cette femme-là, qui a retardé une prière, la prière du Dhuhr ou une autre, et que ensuite ses menstrues sont arrivées. Alors cette femme-là, il ne lui incombe pas lorsqu'elle a fini ses menstrues, et lorsqu'elle s'est purifiée de ses menstrues, il ne lui incombe pas de rattraper cette prière. Il nous dit, qu'est-ce que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, elle dit comme on peut le trouver dans Majmou al-Fatawa, concernant ce sujet. Wal azharu fi dalil madhhab Abi Hanifata wa Malik annaha la yalzamuha shay'un. لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء ولأنها أخرت تأخيرا جائزا وهي غير مفرطة وأما النائم أو الناسي وإن كان غير مفرط أيضا فإنما يفعله ليس قضاء بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ ويذكر انتهى. Et donc il dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, et ce qui est le plus apparent en se basant sur les preuves est le mazhab, donc l'avis de Abu Hanifa et de Malik rahimahumullah, qui est que la femme, il ne lui incombe pas de rattraper cette prière. Car le fait de rattraper cette prière va être lié à un nouvel ordre. Or, il n'y a pas d'ordre ici de rattraper. Il n'y a pas de preuve qui montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux femmes, lorsqu'elles se purifient de leur menstru, de rattraper les prières qu'elles n'ont pas faites lorsque les menstrues venaient d'arriver. La prière qu'elles n'ont pas faite avant le début des menstrues, pour celle qui n'a pas eu le temps de prier, il n'y a aucun hadith ou aucune preuve qui montre que cette femme, elle doit rattraper cette prière. Il n'y a pas un deuxième ordre concernant cela. Et aussi, parce que cette femme, lorsqu'elle a retardé sa prière, elle l'a retardée dans une situation qui est permise, lorsqu'elle n'a pas été négligente. Et donc, ce qu'elle a fait était permis. Elle a retardé sa prière, elle s'est dit « je vais prier un peu plus tard », etc., lorsque je finis telle chose, et ensuite, ses menstrues sont arrivées. Elle est dans une situation qui lui est licite. Par contre, en ce qui concerne celui qui dormait, ou celui qui a oublié, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui dort ou celui qui a oublié, et donc qu'il fasse sa prière lorsqu'il s'en rappelle. Alors qu'il prie lorsqu'il s'en rappelle. Le cheikh, il nous dit, concernant celui qui dormait, ou celui qui a oublié, et qui n'a pas été donc négligent, alors ceux-là, lorsqu'ils vont prier, ils ne vont pas rattraper la prière. Ce n'est pas un rattrapage de prière qu'ils font, mais c'est le temps de la prière pour eux. C'est pour eux, c'est le temps de la prière. Lorsqu'ils se réveillent ou lorsqu'ils se rappellent. Fin de citation. Et en réalité, il y a une narration de ce hadith qui cite cela. Une narration qui dit que celui qui dort, ou celui qui se rappelle, ou celui qui a oublié, lorsqu'il se rappelle de la prière, eh bien pour eux, c'est le moment de la prière. Le moment de la prière pour eux, c'est l'heure lorsqu'ils s'en rappellent. Et donc ici, ce n'est pas un rattrapage. Ils ne sont pas en train de rattraper une prière, mais c'est pour eux le moment de la prière. Pour ces gens-là. Celui qui dormait ou celui qui a oublié et qui s'en rappelle. Et donc, voilà concernant ce sujet. Voilà concernant ce sujet qui est important de comprendre et de maîtriser. Parce que souvent, parfois, beaucoup, surtout dans le premier cas qu'on a vu, beaucoup de femmes, elles ne vont, lorsqu'elles se purifient de leur menstru, donc en après-midi par exemple, après le asar, elles ne vont accomplir que la prière du asar. Elles ne vont accomplir que la prière du asar. Effectivement, il y a divergence sur le sujet, comme vous avez pu le comprendre. Cependant, la majorité des mazahib voit que cette femme, elle doit accomplir le dhuhr et le asar, ou alors le maghrib et l'isha, en fonction du moment où elle s'est purifiée. Ensuite, il se base aussi sur des avis qui ont été rapportés de certains compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sans oublier le fait que, effectivement, le temps des deux prières est réuni lorsqu'il y a une situation d'excuse. Donc, ce que je recommande vivement à mes sœurs pour aussi sortir de cette divergence, c'est d'accomplir les deux prières, inshallah ta'ala, al-dhuhr et al-asr, ou alors al-maghrib et al-isha, en fonction de la prière, en fonction du moment de la purification. Et donc, les deux questions qu'on va rajouter, inshallah, aux questions de la semaine dernière. Donc, la première question, donc, que doit faire la femme qui se purifie? Que doit faire la femme qui se purifie des menstrues après la prière du Isha? Que doit faire la femme qui se purifie des menstrues après la prière du Isha? Ça, c'est la première question. La deuxième question, Inch'Allah Ta'ala, quelle est la voie des Khawarij al-Haruriya concernant les prières de la femme durant sa période de menstrue, concernant les prières de la femme durant sa période de menstrue. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.